Une nouvelle fois, les Kurdes sont en première ligne. L'Occident et la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient leur font aujourd'hui confiance pour juguler l'offensive fulgurante des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, première appellation, récemment autoproclamé califat. Et il est tentant d'y voir une sorte de revanche pour un peuple oublié, mais trop souvent divisé, qui a toujours été instrumentalisé par les puissances de la région et qui a payé un prix très cher et toujours sanglant dans les nombreux conflits où il a été entraîné, parfois malgré lui. C'est si vrai que les Kurdes pourraient même profiter de ces nouveaux affrontements armés pour conquérir une forme d'indépendance, au moins dans deux pays où ils sont dispersés, l'Irak et la Syrie. Mais qui sont les Kurdes et d'où viennent-ils et quelle est l'histoire de ce peuple proche et moyen-oriental dont les sujets sont répartis dans quatre pays, l'Irak et la Syrie déjà cités, mais aussi la Turquie et l'Iran. Et pourquoi sont-ils appelés à jouer un rôle essentiel face à la barbarie qui monte dans cette région en proie à tous les désordres? Monsieur X répond à toutes ces questions. Inter, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Vous savez comment s'appellent eux-mêmes les combattants kurdes? Ce sont les Peshmerga. Oui, ouais. Et dans leur langue, ça veut dire ceux qui regardent la mort en face, ou encore ceux qui vont au-devant de la mort. Ils ont effectivement une réputation de courage et même de quasi-invincibilité. Hein. C'est vrai, mais enfin, il faut faire la part de la légende, car on l'a vu il n'y a pas si longtemps, les Peshmerga ont reculé au moins une fois devant l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Et s'ils ont récemment réussi à repousser ces mêmes troupes, ils le doivent surtout à l'appui aérien et aux frappes des États-Unis. En tout cas, ce sont authentiquement de redoutables guerriers dont les probables ancêtres, les Mèdes, ont autrefois édifié un formidable empire des rives de la mer Noire jusqu'à la Perse. Et je crois que l'un des Kurdes les plus célèbres de l'histoire n'est autre que Saladin. Et le sultan qui a chassé les croisés de Jérusalem. Les Kurdes, en tout cas, ont toujours eu la réputation de constituer un peuple montagnard particulièrement turbulent. Un peuple converti à l'islam, hein ? Oui, dès le 7e siècle de notre ère. C'est-à-dire pratiquement dès la naissance de la religion mahométane. Enfin, peu de temps après, en effet. Les Kurdes sont alors établis dans les montagnes, en Anatolie et dans le nord de la Mésopotamie et aussi en Perse. On observe, entre le Xe et le XIIe siècle, l'émergence de principautés kurdes indépendantes et l'apparition de la dynastie des Ayyoubides, dont le sultan Saladin va régner sur l'Égypte, une partie de la Syrie actuelle et même le Yémen. La suite est plus chaotique, mais enfin je vais vite. Au XVIe siècle, les princes kurdes s'allient avec les Ottomans contre la Perse chiite. Mais au XIXe siècle, c'est la rupture avec la Sublime Porte. Et pourquoi cette... Parce que l'Empire ottoman a entrepris une politique de centralisation qui contrarie les prérogatives régionales des princes kurdes. Donc, ceux-ci se soulèvent. Mais, et ce sera toujours l'une des faiblesses de la revendication kurde, on le verra, ils agissent en ordre dispersé. Conséquence, les émirats indépendants disparaissent peu à peu. Les princes sont remplacés par des chers. Oui, des chèques, vous. Oui, c'est ça. De nouveaux dirigeants politiques qui vont eux aussi être à l'origine de nombreuses insurrections. Contre Istanbul, donc. Oui, Et ces révoltes contribueront à créer le sentiment d'une identité kurde. Il faut aussi observer que les dirigeants actuels des partis kurdes en Irak sont issus de ces grandes familles de chair. Page plus noire, l'une de ces tribus alliées à la Turquie va jouer un rôle important dans les premiers massacres d'Arméniens à la fin du XIXe siècle. En tout cas, enfin, d'après ce que vous avez dit, on assiste là à la naissance d'un nationalisme kurde. Qui se concrétise dans la création de mouvements et de comités de défense de la culture et de la langue. Mais un autre nationalisme monte en puissance en Turquie. Les jeunes Turcs vont prendre le pouvoir et chasser le sultan. Oui, c'est la fin de l'Empire ottoman. Et en même temps, un formidable espoir pour les Kurdes. À la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les vainqueurs redistribuent toutes les cartes de la géographie européenne et proche-orientale. En août 1920, un article du traité de Sèvres préconise la création d'un État kurde dans l'est de l'Anatolie et dans la province de Mossoul. Ouais, dans l'Irak actuel. Hein. Qui est passé sous tutelle britannique, tandis que la France a hérité de la Syrie. Mais pour le nouveau maître de la Turquie, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, il n'est pas question d'autoriser cette création. 3 ans après le traité de Sèvres, celui de Lausanne réduit à néant les espoirs kurdes. L'État est un État turc, affirme Kemal. Et après le génocide des Arméniens, l'expulsion des Grecs, les Kurdes restent le noyau non-turc le plus important de l'État. La turquification qui va suivre, pardon pour ce jargon, ne va avoir de cesse de nier ou de réduire les ambitions kurdes. Et donc d'aboutir aussi à une radicalisation. Forcément. Aux mesures d'exception et à la brutale répression conduite dans les villages des provinces de l'Est, répondent des révoltes kurdes tout au long des années 20 et 30. Mais encore une fois, les Kurdes sont trop souvent divisés. À noter aussi qu'en 1937, la Turquie, l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan signent un pacte prévoyant une coordination de la lutte contre la subversion kurde. Oui, autant d'États qui sont donc farouchement opposés à la revendication kurde. Et le resteront durablement. Autant dire que les Kurdes ne vont cesser d'être traités avec la plus grande violence. Alors, sautons quelques années et voyons l'évolution de la situation du peuple kurde pendant la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Un chiffre d'abord. En 2014, on estime que les Kurdes sont près de 35 millions. Une grosse moitié se trouve en Turquie, où les Kurdes représentent le cinquième de la population. Il faudra aussi compter les exilés, très nombreux, en Allemagne par exemple. Il existe aussi une forte communauté en Grande-Bretagne. Est-ce que ce peuple dispersé forme malgré tout un groupe homogène ? Non, c'est sans doute aussi l'une des causes de son malheur. Les Kurdes, je vous l'ai dit, ont trop souvent cédé aux réflexes tribaux et n'ont pas cessé de se déchirer et de se combattre. Il faut ajouter qu'ils n'ont jamais envisagé sérieusement de s'unir et de mener une lutte commune. Les différentes communautés ont au contraire essayé de conquérir des droits à l'intérieur des frontières des pays où elles vivent. Mais sans essayer de fédérer ces luttes. C'est ça. Ouais. Toutefois, il faut aussi savoir que les Kurdes se comprennent mal entre eux. Ils parlent des dialectes différents selon les régions. Ils utilisent également des alphabets différents. En fonction des pays où ils résident. Oui, ça ne simplifie pas les choses. Puis il y a les fractures religieuses. S'ils sont majoritairement sunnites, il existe aussi des Kurdes chiites, essentiellement en Iran. C'est pourquoi on ne peut parler de véritable sentiment national. Mais il faut aussi remarquer, à la décharge des Kurdes, que ces différences religieuses ou ces rivalités tribales ont été attisées par les différentes puissances de la région. C'est-à-dire ? On peut persécuter les Kurdes chez soi et les soutenir dans le pays voisin. Pour lui créer des difficultés. Naturellement. Hein. Je vais y revenir. Quelques chiffres avant d'examiner tout cela par le détail. Depuis le début des années 60, 250 000 Kurdes ont été tués. Des millions d'autres ont été déplacés ou déportés. Et des milliers de villages ont été purement et simplement rasés. Le prix payé par ce peuple sans patrie est exorbitant. Et de ce point de vue, les Kurdes ont raison de dire qu'ils sont les oubliés de l'histoire. Oui. Mais attendez, pays par pays, là, quelle est leur situation ? Commençons par la Syrie. La Syrie avant 2011, le commencement de la guerre civile et l'émergence de l'État islamique. Là-bas, on estime qu'il y a environ 1 million de Kurdes. L'attitude des autorités syriennes vis-à-vis de cette importante communauté a été assez fluctuante au cours des années. Dans un premier temps, le régime, désireux d'arabiser la population, présente sur sa frontière nord... La frontière avec la Turquie. Oui, donc, dans ce but, les dirigeants syriens s'en sont pris aux Kurdes qui s'y trouvaient. et 300 000 d'entre eux ont été déchus de la nationalité syrienne. Mais en même temps, d'autres Kurdes ont été appelés à rejoindre l'armée et même la garde présidentielle. C'est à ces hommes que le président Hafez al-Assad confiera en particulier le soin d'écraser la révolte des frères musulmans au début des années 80. Alors, ils joueront le rôle de mercenaires, comme ils l'ont déjà fait en Turquie contre les Arméniens. C'est juste, il y a des similitudes. Notons enfin que la Syrie, jusqu'en 1998, se montrera très favorable aux Kurdes hostiles à la Turquie, puisqu'elle accueillera même le chef du PKK, le célèbre Öcalan. Mais pas par philanthropie, j'imagine. Bah, c'est évident, on se sert des Kurdes pour embarrasser le voisin turc. Mais ça va changer en 1998-1999. Ankara se fâche et menace la Syrie d'entrer en guerre. Du coup, Damas se retourne contre le PKK qui est expulsé du pays. Et Öcalan doit partir. Les combattants, eux, se réfugient dans les montagnes du nord de l'Irak, tandis que les mouvements sociaux kurdes prennent le relais. Et ailleurs? Prenons ensuite le cas de l'Iran. On y compte 6 millions de Kurdes, peut-être même 8. Là comme ailleurs, cette population aspire à l'indépendance et à la création d'un Kurdistan indépendant. Mais la révolution islamique de 1979 va sonner le glas des espoirs des Kurdes iraniens, car Khomeini n'est pas décidé à leur accorder le statut d'autonomie qu'ils réclament. Au contraire, l'ayatollah proclame même le djihad contre ces séparatistes. Le résultat, c'est une répression sanglante et même l'assassinat de leurs dirigeants réfugiés à l'étranger. Et ça a duré ? La situation s'est peu à peu apaisée, même si les Iraniens n'ont pas renoncé à manipuler leurs Kurdes. Car pendant la terrible guerre qui a opposé l'Iran et l'Irak dans les années 80, ils ont été très cyniquement utilisés. Ce qui signifie ? C'est très simple. Les Irakiens sont venus militairement en aide aux Kurdes iraniens, alors même qu'ils persécutaient leurs propres Kurdes. Et en retour, les Iraniens ont soutenu les Kurdes irakiens. Ouais, Irakiens et Iraniens se sont donc renvoyés là-bas. Malheureusement, oui. Ces populations ont été entraînées, malgré elles, dans une guerre qui n'était pas la leur. La conséquence la plus visible et la plus favorable à la fois pour l'Irak et l'Iran, ça a été de dresser les uns contre les autres les Kurdes présents de chaque côté de la frontière irako-iranienne. Ouais, ça éloignait d'autant plus l'éventuelle indépendance du Kurdistan. Ouais, ne pouvait en être autrement. Ça permettait de part et d'autre de massacrer allègrement les Kurdes accusés d'être des traîtres à leur patrie. Gérard Chalian connaît bien la question kurde. J'extrais ces quelques lignes de son livre « Le malheur kurde » publié en 1992 par Le Seuil. L'Iran appuie les Kurdes d'Irak au début des années 70. Mais personne, par crainte de répercussions internes ou par peur de contagion, n'entend contribuer à donner aux Kurdes les moyens d'une victoire politique. D'ailleurs, à partir des années 60, les situations ambiguës qui se créent lorsqu'un État soutient un mouvement kurde chez son voisin et rival et en réprime un autre chez lui provoquent l'éclatement de conflits entre les différents partis kurdes. Ainsi, des relations entre organisations politiques kurdes d'Irak et d'Iran au cours des années 60 et au-delà. Alors, je vous propose maintenant de voir plus précisément l'histoire relativement récente des Kurdes d'Irak. Et assez paradoxalement, ça commence plutôt bien. En 1970, après des années de guérilla, Saddam Hussein, qui n'est encore que vice-président, signe un accord avec un chef kurde légendaire, Mustafa Barzani. Bagdad concède des droits nationaux et culturels aux Kurdes. Des ministres kurdes sont même nommés. Mais il reste une importante pomme de discorde. La situation de Kirkouk et l'exploitation des gisements pétroliers voisins. Parce que les Irakiens n'entendent pas s'en séparer. Bah, évidemment, et quelques années plus tard, la guérilla recommence. Mais le chef du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, Mustafa Barzani, va commettre une terrible erreur en concluant une alliance avec l'Iran du Shah. Il en résultera une terrible défaite et la division du mouvement national kurde en Irak. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce une erreur politique ? Ben d'abord parce que ce ne peut être qu'une alliance de circonstances, étant donné qu'aucun pays de la région n'acceptera l'indépendance du Kurdistan. Donc, en concluant cette alliance, Téhéran ne vise qu'un objectif, embarrasser son voisin irakien avec lequel il a plusieurs différends frontaliers. Mais soudain, vers 1975, l'Iran et l'Irak se réconcilient. Ouais, très provisoirement. Et sur le dos des Kurdes, alors ? Bah, officiellement, non. Mais la conséquence de cet accord, c'est que Téhéran cesse de soutenir les Kurdes irakiens du PDK. Des faits, ces derniers doivent fuir massivement vers l'Iran. En outre, ça provoque une scission dans le mouvement kurde. Une nouvelle organisation apparaît, l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan, dirigée par un autre chef de tribu, Jalal Talabani. Et quelle est la cause fondamentale de cette scission ? Talabani reproche essentiellement au PDK de Barzani de s'être allié à l'Iran. Enfin, disons-le tout de suite, lui-même n'est pas exempt de reproche, car quelques années plus tôt, il a mis ses hommes au service du gouvernement de Bagdad pour lutter contre les forces du PDK. Ouais, c'est des mercenaires, au fond, ou des harkis. Mais c'est décidément bien compliqué. Non, hein. non, ça illustre simplement le fait que les Kurdes n'ont jamais rompu avec l'atavisme tribal, et que les États où ils résidaient s'en sont toujours servis pour mieux les dominer et aviver ces luttes fratricides. Mais j'en viens à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais je dois insister parce que cet effroyable conflit va être particulièrement dramatique pour la communauté kurde irakienne. Les Kurdes irakiens vont prendre le parti de l'Iran. Bien sûr, mais en face, il y a leur frère qui se trouve en Iran, le PDK, qui est maintenant dirigé par le fils de Barzani, Massoud, se déclare très vite pour Téhéran. L'UPK, plus prudent, finit quand même par se ranger dans ce même camp. Mais dès le cessez-le-feu, en 1988, Saddam Hussein se venge. Contre les Kurdes irakiens. Il les accuse de l'avoir poignardé dans le dos lorsqu'il combattait les Iraniens. Et il met en branle toute son armée pour reconquérir les territoires rebelles et anéantir les nationalistes kurdes. C'est la troupe fameuse opération Al-Anfal, au cours de laquelle les troupes irakiennes n'ont pas hésité à recourir à l'arme chimique. À l'Abja. En particulier. Le bilan est terrifiant. 180 000 Kurdes ont péri et des centaines de milliers d'autres ont dû fuir. Seul point positif, les adversaires d'hier, le PDK et l'UPK, ont été contraints à s'unir. Oui, et 3 ans plus tard, c'est la première guerre du Golfe. Dès le début de l'offensive américaine, les combattants kurdes, ce qu'on appelle les Peshmerga, repassent au Kurdistan et s'emparent des villes. Mais les troupes de la coalition cessent soudain leur offensive. Oui, parce qu'elles estiment qu'elles ont rempli leur mission, c'est d'ailleurs libérer le Koweït. Sans doute, mais c'est une terrible faute de la coalition. Pourquoi avoir autorisé la trop célèbre garde républicaine de Saddam Hussein à réprimer avec férocité les chiites au sud et les Kurdes au nord ? Les alliés, je pense surtout aux Américains, ont laissé faire. Ils ont même permis aux Irakiens d'utiliser leurs hélicoptères et leurs chars. Et ça, vous ne l'avez ni compris, ni admis. Oui, parce que toutes ces populations s'étaient soulevées au nom de l'espoir qu'on leur avait donné. L'espoir de la libération. Et de la chute de Saddam Hussein. Or, ensuite, on les a froidement laissés tomber. Alors, au nord, les Kurdes, qui ont encore en mémoire les massacres de 1988, fuient en masse devant la garde républicaine. Ils vont en Turquie ou en Iran. Au total, 2 millions d'exilés. Une véritable catastrophe humanitaire. Mais les alliés, à l'initiative de la France, finissent par prendre la mesure du désastre. Oui, c'est la création d'une zone de sécurité en avril 91, hein, c'est ça. Et d'exclusion aérienne au nom du devoir d'ingérence. Mais il faut insister sur ce point. Les Américains, eux, ont traîné les pieds. George Bush, senior, ne voulait pas intervenir dans ce qu'il considérait être les affaires intérieures de l'Irak. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Il ne désirait surtout pas, c'est ce qu'il a déclaré, sacrifier de précieuses vies américaines dans cette aventure. Oui, mais il a quand même fini par agir. Ah, sous la pression de l'opinion internationale, oui. Des milliers de soldats alliés sont intervenus au Kurdistan. Les troupes irakiennes ont aussitôt reflué et les Peshmerga ont pris le contrôle de la région. C'est ainsi que, de fait, le Kurdistan irakien est devenu autonome. Oui, en 1992. Il y a même eu alors des élections sous le contrôle d'experts internationaux et la désignation d'un parlement qui a largement confirmé la prééminence des deux principaux partis, le PDK et l'UPK. Mais les difficultés n'ont pas tardé. Alors pourquoi ? Il existait toujours la traditionnelle rivalité entre les deux mouvements et surtout entre leurs deux chefs, Barzani et Talabani. Mais il y avait aussi des questions d'intérêt. Et ça s'explique par la géographie. Le PDK contrôlait le nord, l'UPK le sud. Et c'était plus intéressant de contrôler le nord qui avait une frontière avec la Turquie. Ah oui, je vois. À cause de la contrebande. Oui, mais aussi des droits de douane. Or, Barzani n'entendait pas partager. La tension entre les deux parties a donc progressivement augmenté. Et bientôt, PDK et UPK en sont venus à se combattre par les armes. Il en est résulté une guerre civile qui a encore fait des milliers de morts. Oui, mais au fond, est-ce qu'il existe une différence politique entre les deux principaux mouvements kurdes ? En principe, je dis bien en principe, l'UPK de Talabani affirme se situer à la gauche du PDK de Barzani. Et l'UPK a été rejoint par des petits partis d'obédience marxiste. Mais tout ça est théorique. En réalité, UPK et PDK fonctionnent selon le même système tribal et l'obéissance totale au chef. Et est-ce que cette guerre fratricide s'est traduite par la victoire d'un camp ? Il faut d'abord dire que les autorités internationales ont essayé de mettre fin à cette guerre civile. Et d'abord parce que ce conflit interne était suivi avec beaucoup d'intérêt par le voisin turc. Mais nous en parlerons. Alors, victoire, me demandez-vous ? En 1995, malgré son manque de ressources, Talabani semble être sur le point de l'emporter. Mais son rival, Barzani, n'hésite pas à tourner kazakh et il en appelle à Saddam Hussein. Contre ses frères kurdes, donc. Ah oui, c'est une vraie trahison. Et le dictateur irakien, vous l'imaginez bien, s'empresse de venir en aide à Barzani. Les troupes irakiennes pénètrent au Kurdistan. En profite pour liquider quelques dizaines d'opposants qui s'y étaient réfugiés et assure la victoire du PDK. Talabani, lui, est obligé de fuir en Iran. Et ensuite ? Les Irakiens se sont rapidement retirés et Barzani a régné seul sur le Kurdistan. Toutefois, grâce à la médiation américaine, les deux principaux partis kurdes ont fini par se réconcilier. Ils s'installent chacun confortablement dans leurs fiefs respectifs et se partagent la manne de la contrebande pétrolière et de divers trafics. C'est la paix armée ? Oui, grâce en particulier au protectorat américain. Mais la situation demeure fragile, car il existe au Kurdistan irakien une multitude de partis et donc de milices. Le MIK, par exemple, campe toujours aux frontières du Kurdistan, du côté iranien. Et il existe aussi un groupe islamiste armé qui lutte contre les militants de l'UPK, un groupe qui aurait été d'ailleurs rejoint par des soldats perdus d'Al-Qaïda. Ouais, mais vous employez le conditionnel, hein. Il faudra aussi parler des Turkmènes, qui jouent ouvertement le jeu de la Turquie dans la région. L'autonomie du Kurdistan est donc à l'heure toute relative et peut être menacée à tout moment, malgré une réelle prospérité. Mais enfin, ça, j'y reviendrai. Et pourquoi ces menaces, alors ? Parce que l'existence d'un Kurdistan autonome, et peut-être même bientôt indépendance, ça fait peur aux voisins. Mais évidemment, les récents événements, la guerre en Syrie et la montée en puissance de l'État islamique en Irak et au Levant, a naturellement changé la donne et modifié le système des alliances. Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Progressivement, le Kurdistan a donc pris ses distances au sein de l'Irak. La preuve, c'est extrait d'un article d'Amit Borzarslan dans le dernier numéro de la revue Politique étrangère. au Kurdistan d'Irak. Le temps a joué en faveur d'une différenciation par rapport au reste du pays durant le quart de siècle d'autonomie qui s'ouvre en 1991. Le Kurdistan irakien a coupé une grande partie de ses liens de dépendance par rapport à Bagdad et au-delà, vis-à-vis de la société irakienne. Les imaginaires collectifs et générationnels, les expériences, les thèmes et les lignes de clivage politique sont désormais radicalement dissociés. Il en va de même de l'espace. Si un arabe irakien aisé est toujours le bienvenu pour un week-end dans un hôtel 5 étoiles d'Erbil, ce n'est pas le cas d'un travailleur journalier qui a besoin d'un permis pour traverser la frontière kurdo-arabe et dont le statut est souvent inférieur à celui d'un immigré philippin. Avant de voir les conséquences des derniers événements sur la question kurde, intéressons-nous maintenant à la Turquie. Oui, où réside donc la plus importante communauté kurde. Et qui a toujours été le fer de lance de la lutte contre le séparatisme kurde. La Turquie, hein. Oui, comme je l'ai fait pour les autres pays où se trouvent des Kurdes, ne remontant pas trop loin. Mais avant d'examiner les faits, il faut tout de suite observer quelle est la situation des Kurdes en Turquie. Ils ont l'impression réelle d'être des citoyens de seconde zone. Des colonisés? Oui. Leur niveau de vie est incomparablement plus bas que celui des Turcs. Il y a un vrai fossé entre les deux communautés. Et la guerre civile ne va rien arranger. Alors, n'allons pas plus loin que 1974. Pourquoi cette année-là? Parce que c'est en 1974 qu'apparaît Abdullah Öcalan. Oui, Apo, comme on le surnomme. Ouais. Oui, ça veut dire l'oncle. Öcalan crée un premier groupe, l'Apocus, c'est-à-dire les fidèles d'Apo. Puis, après de multiples scissions, il fonde le PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs kurdes, un mouvement qui est alors ouvertement marxiste. Son programme, non ? L'indépendance du Kurdistan, la construction d'une société communiste, la destruction de la classe bourgeoise et l'alliance entre les paysans et les ouvriers. Rien que du très classique. Hein. Oui, mais le combat du PKK est d'abord dirigé contre les autres groupes kurdes, accusés d'être des collabos compromis avec le pouvoir d'Ankara. L'action de Can commence donc par une lutte fratricide, là aussi. Et c'est malheureusement vrai. Mais c'est une constante dans l'histoire des Kurdes. Ils n'ont jamais cessé de se diviser et de s'affronter. Ce qui explique sans doute le fait qu'ils n'aient jamais pu réaliser leur rêve, celui d'un Kurdistan indépendant. Mais enfin, passons. Après avoir liquidé quelques-uns de ses prétendus collabos et aussi tous ceux qui s'opposent à sa volonté, Öcalan va passer à l'action armée contre les autorités turques. La guérilla. Le terrorisme d'abord, la guérilla viendra après. Mais quelles sont les ressources du PKK? Trafic d'armes, de drogue et attaques de banques. Mais il ne fait nul doute que la Syrie aide matériellement et financièrement Öcalan. C'est d'ailleurs en Syrie, je vous l'ai dit, que finira par s'installer le leader kurde. Le dirigeant du PPK, Massoud Barzani, permettra aussi aux militants du PKK de s'entraîner dans le nord du Kurdistan irakien. Et alors, la réaction des autorités d'Ankara? Ah, dure, très dure, surtout après le coup d'État militaire de 1980. La répression contre les Kurdes s'accélère. Et en 1983, après l'assassinat de 3 militaires turcs par des hommes du PPK, la langue kurde est purement et simplement interdite. Mais c'est en 1984 que Öcalan décide vraiment d'engager la lutte armée contre les forces turques. Oui, ce sont des actions de guérilla. Oui, il ne peut en être autrement. Le PKK ne dispose pas d'une véritable armée. En tout cas, c'est le commencement d'un cycle de violence qui ne s'est provisoirement terminé qu'après la capture d'Abdullah Öcalan en 1999. Un apaisement provisoire. Hein. Bien sûr. Il faudra attendre le début des années 2010 pour que le même Öcalan, depuis sa prison, propose un cessez-le-feu. Et le départ de Turquie de ses militants armés. Ouais, hein. Enfin, ça, nous en reparlons. D'accord, alors ces violences-là, elles sont innombrables. L'armée turque ne s'embrasse pas de précautions pour réprimer la rébellion kurde. Les ratissages, parfois conduits avec la coopération de l'armée de Saddam Hussein, se traduisent par des exactions de plus en plus impitoyables. Des centaines de villages sont rasés, des civils assassinés, des femmes violées. Près de 40 000 personnes vont trouver la mort. et 2 millions d'autres vont être obligés de fuir le Kurdistan et de rejoindre les bidonvilles d'Ankara ou d'Istanbul. Oui. Mais enfin, soyons justes quand même, la violence existe aussi de l'autre côté. Bien entendu, Öcalan n'est pas un tendre. Il n'hésite jamais à faire assassiner ses frères kurdes quand ils sont soupçonnés de ne pas soutenir sa cause. Il mène lui aussi des raids meurtriers contre des villages kurdes où se trouvent des personnes accusées de collaborer avec les Turcs. Et il fait également tuer femmes et enfants. Mais en agissant ainsi aussi brutalement, ne risque-t-il pas de s'aliéner une partie de l'opinion kurde ? Vous avez raison. Ça permettra à l'armée turque de recruter des repentis qui participeront à la lutte contre le PKK. On verra même émerger un nouveau parti kurde hostile aux méthodes sanglantes de Öcalan. Mais il faut bien reconnaître que dans cette sale guerre, les uns et les autres ont perdu leur âme. Et d'abord les Turcs, parce qu'ils bafouent en permanence les droits de l'homme. Mais ce n'est pas tout. M'expliquer. Pour lutter contre les Kurdes, Ankara a encouragé la création de mouvements supplétifs très spéciaux. Des escadrons de la mort, formés essentiellement par ces extrémistes de droite, les fameux loups gris, liés non seulement au service secret turc, mais aussi à la mafia locale. Oui, les loups gris dont faisait partie l'homme qui a tiré sur le pape, Ali Aksa. Hein. Exactement. Ça a conduit à un véritable noyautage de certains niveaux de l'État turc par ces mafieux ultranationalistes. On en a la preuve ? Parfaitement. En 1996, dans une voiture accidentée, on a retrouvé le corps de 3 hommes. Un gangster recherché depuis des années par Interpol, le sous-chef de la police d'Istanbul et un député. J'ajoute que le coffre de l'auto était bourré d'armes, de drogue et de faux papiers. Ça me semble clair, non ? Oui, mais vous m'avez dit qu'on avait perdu son âme des deux côtés. Bien entendu, c'est valable aussi pour les membres du PKK qui ont pratiqué un terrorisme aveugle. Un terrorisme qui atteindra même l'Europe, où de nombreux intérêts turcs sont frappés. Et leur financement, enfin le financement du PKK n'est pas non plus très moral. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste. On évoquera même un vrai racket dont sont victimes les exilés kurdes. Mais il faut reconnaître que les deux parties vont peu à peu être obligées de faire des concessions. La Turquie est d'abord soumise aux pressions de l'Union européenne qui lui demande de reconnaître l'existence de sa minorité kurde et de cesser de violer les droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que dans les prisons où sont enfermés des centaines de Kurdes, on continue à torturer. Et la Turquie se plie aux injonctions européennes ? Moi, elle amorce un timide virage. La question kurde n'est plus taboue. Et l'usage de la langue kurde est à nouveau autorisé. Et du côté, de l'autre côté, PKK alors. Öcalan, au fil des années, deviendra moins exigeant. Et peu de temps avant sa capture, il en viendra même à abandonner la revendication de l'indépendance pour ne plus demander que la reconnaissance de l'identité kurde et la création d'un système fédéral. Toutefois, il faut le souligner, ces concessions successives n'empêchent nullement la sale guerre de se poursuivre. Une guerre qui coûte très cher à la Turquie, qui y consacre chaque année plusieurs milliards de dollars. Ouais, ça ne contribue pas à améliorer la situation. Hein. C'est évident. Mais pour les gouvernements turcs successifs, cette question kurde est une véritable hantise. C'est la contagion qui leur fait peur. C'est-à-dire la peur de voir des Kurdes devenir autonomes dans un autre pays. C'est évident. Et ça explique beaucoup de choses. Pourquoi, alors que la Turquie est un allié traditionnel des États-Unis, Ankara a-t-il refusé que les militaires américains entrent sur son territoire pour ouvrir un deuxième front au nord de l'Irak en 2003 ? Parce que les Turcs veulent alors garder les mains libres et pouvoir intervenir quand ils le voudront dans le Kurdistan irakien. J'imagine que la question du pétrole joue aussi un rôle. Naturellement. Grâce à l'embargo sur le pétrole irakien, la Turquie a pu bénéficier d'un pétrole très bon marché. La contrebande. Oui. Alors Ankara n'était pas prête à renoncer à cet avantage. Et au fond, pour continuer à bénéficier de cette ressource pétrolière, il aurait suffi que ses troupes descendent un peu plus au sud jusqu'à Kirkuk. Mais je voulais laisser entendre, les récents développements de la situation dans cette partie du monde ont tout bouleversé. À tel point que la Turquie, qui a si longtemps redouté l'existence d'un Kurdistan autonome, est pris d'indépendance. Un Kurdistan qui aurait pu donner des idées à ses propres Kurdes. Évidemment. Eh bien, aujourd'hui, la Turquie est l'un des plus fermes soutiens de ce Kurdistan irakien, avec lequel elle fait d'excellentes affaires. Un véritable double jeu, car dans le même temps, Ankara se montre très laxiste vis-à-vis des islamistes qui sont devenus les meilleurs ennemis des Kurdes irakiens. Ouais. Ça devient de plus en plus compliqué, hein. Oui, mais nous essaierons d'y voir plus clair dans notre prochain entretien. Cette émission a été réalisée, comme d'habitude, par Michel Billoux, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denant, qui a lu, entre autres, ses ouvrages. Oui, Patrick. D'abord, la revue Politique étrangère, avec un dossier intitulé « Le ou les Kurdistan », puisque la guerre entre Kurdes et djihadistes est en train de redistribuer les cartes dans la région. Et puis aussi l'ouvrage d'Amit Bozarslan, « Conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient », qui est paru il y a déjà 5 ans, mais qui reste un excellent ouvrage de référence sur le sujet, et c'est publié chez Autrement. Et bien sûr, vous allez retrouver toutes les indications pour vous procurer ces livres ou ces revues sur franceinter.fr, un site qui vous permet aussi de réécouter cette émission. À samedi prochain et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.